Calme-toi, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny. Et puis Johnny, Johnny, tu joues un peu trop fort. Puis Johnny. Allez, c'est parti pour 95 ans. Johnny, je te baisse. Putain, mais avec le jam tabac, on voit pas quelqu'un. Qui m'envoie des messages. Abricot, abricot brugnant. Je réponds, monsieur. Ah, non, j'en ai marre de Java Auto. Qui c'est qui fait du bruit là? Ezio. C'est moi? Ah, mais c'est moi! C'est moi qui fait du bruit. Non? Moi la guitare. Non, c'est pas moi. Et c'est Ezio. Ezio, you have a buzz. Ezio, plug your instrument. Plug your instrument. Or be careful to the volume. You have a buzz. Ezio, are you here? Ezio, Finlande. On parle quoi en Finlande? Finlandais. Australie, Finlande, Canada, Australie. Voilà, on t'entend. You've got two channels. And me too, d'ailleurs. Alors je vais l'enlever pour moi. Do you sing Ezio? Ezio?